chapitre 8. Vous vous souvenez des paroles du Seigneur Jésus-Christ quand il a parlé avant de partir de ce monde? Il a essayé d'avertir les gens qu'il y a une catastrophe qui s'en venait dans ce monde, aussi importante qu'avait eu lieu des millénaires avant le déluge. Il a dit, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Dans Luc, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les firent tous périr. Il dit, à l'avènement du Fils de l'homme, ça va être comme au déluge. Ça va venir d'une façon subite, sans avertissement. Et les hommes de ce monde, les femmes de ce monde, les enfants de ce monde, vont pas se douter de rien. Ici, tu n'es pas en train de dire que c'était mal de se marier ou de marier leurs enfants. Ils étaient en train de dire qu'ils se doutaient de rien. Hein? Ils se préparaient les noces comme si ce n'était pas être demain, mais ils ne se doutaient pas que la fin était proche. Dans 2 Pierre, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il l'a sauvé, 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il l'a condamné à la destruction et résout ensemble les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. En théologie, on appelle ça des jugements partiels. Pour les amener à croire qu'il va y avoir un jugement dernier, Dieu a envoyé dans l'histoire de l'humanité des jugements partiels. Pour que l'homme finisse par comprendre qu'il y a un grand jugement qui va venir et qui va mener une destruction totale sur l'être humain, Dieu a donné des petits avertissements, des exemples. Si je n'ai pas laissé passer les gens de Sodome et Gomorre, je ne laisserai pas plus passer les gens qui font la parade gay à Montréal. Il ne faut pas les laisser passer plus. S'il y en a un que j'ai condamné par le feu du ciel, l'autre aussi va être condamné. J'ai donné un exemple déjà dans le passé de ça. Si les gens du temps de Noé ont été ensevelis sur l'eau, voyez-vous à quoi ce baptême, cette eau, c'est le même symbole du jugement de Dieu. Il dit, si je les ai détruits un jour, je vais détruire aussi le monde, non par l'eau, mais par le feu, cette fois-là, il dit dans Pierre. Donc, imaginez-vous, et pas là, que vous allez passer droit. J'ai déjà donné des exemples que je ne laissais pas passer rien. Tout le monde va être puni. Et c'est avec cet arrière-plan de la pensée du monde que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il n'y en a plus de déluge à venir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus du feu de Sodome et Gomorre sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus de condamnation pour nous. On n'a pas à avoir peur qu'un jour, il va arriver subito presto puis qu'il va venir nous envahir. On n'a pas à avoir peur de cela. Quand il dit, je viendrai comme un voleur, on n'a pas peur, nous autres. Oh, on ne sait pas plus que les autres quand il va venir. Mais on n'a pas peur. Pourquoi qu'on n'a pas peur? On sait qu'il s'en vient ou on l'attend. On n'a pas peur. Il va nous surprendre pour dire, « Ah! Enfin, il est arrivé! » C'est ça qu'on va dire. « Enfin! Il descend du ciel. » On est content qu'il arrive. Parce qu'on l'attend. On a hâte que ça arrive. Et les autres, ils ne savent pas qu'il va venir. Ils ne savent pas, certainement pas qu'il va venir pour les détruire. Certains se sont trompés eux-mêmes en pensant qu'il va venir, mais pour les chercher aussi. Mais ils vont être surpris. Parce qu'ils ne se sont pas abrités sur la personne de Jésus-Christ. Et on a commencé à voir ça ensemble, que il n'y a plus de condamnation pour nous J'avais mis un petit exemple là, quelque part. Attendez, donne-moi un petit peu, si je peux le trouver. Juste pour que vous puissiez voir avec moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On est vu en premier, parce que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. On a vu ça du verset 2 jusqu'au verset 4. Ensuite, on a vu, parce que nous affectionnons les choses de l'Esprit. Ensuite, on a vu, parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Ensuite, on a vu, parce que nous souffrons avec Christ. Et ce matin, nous allons voir, parce que tout concourt à notre bien. Et je vais vous en montrer un autre, mais je ne le montrerai pas parce qu'on n'aura pas le temps de le faire ce matin, je pense. Mais ce matin, nous allons, dans l'Épître aux Romains, commencer à lire, si vous voulez bien, au verset 27. 28, excusez. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que nous soyons le premier-né, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Personnellement, c'est les deux versets que j'apprécie presque les plus dans le Nouveau Testament. Quelle belle vérité! Quand j'ai découvert cette vérité-là, plusieurs années après être sauvé, ça m'a donné une joie, je dirais, aussi grande que le jour que j'ai été sauvé. Parce que là, je découvrais des choses qui, pour moi, étaient phénoménales, qui étaient grandes. Et ça m'a enlevé des craintes dans ma vie, ça m'a enlevé des doutes, ça m'a enlevé de l'incompréhension, ça m'a donné aussi un paquet de réponses à un paquet de questions. Et j'espère que ça va vous aider aussi ce matin. Quand nous disons que tout va bien, qu'est-ce que nous voulons dire? Quand quelqu'un vous demande « ça va-tu bien? » « Ah oui, tout va bien! » Qu'est-ce qu'on veut dire par là, dans ce temps-là? Oui, il s'évolue. Bon, OK. Oh, bien là, répondez pas trop comme les chrétiens. Là. Alors, pensez comme un petit peu. Nous, on y pense de même. Oui, mais... OK. Disons, règle générale dans le monde. Oublions un petit peu que... Règle générale. Avant d'être chrétien, et les non-chrétiens... Et des fois, peut-être aussi en tant que chrétien, quand on dit « ça va bien », on a souvent en pensée quoi? On est en santé, souvent c'est ce qu'on pense. On pense. Il y a d'autres choses aussi? On a de l'argent. On a une bonne job, on a de l'argent. Ça va bien du côté financier. Il fait beau. Moi, il y en a qui pensent qu'il fait beau. Ça va bien, il fait beau aujourd'hui. Je m'en vais en vacances. La famille va bien, ça va bien avec nos enfants, ça va bien avec notre conjoint, ça va bien. On est en congé. On a une vacance en de planifier là, qui s'en vient, mais on s'en va dans un pays chaud. Ça va donc bien, notre affaire. Moi, je trouve que ça l'a fait. Tout ça, ça l'a fait. Quand on dit que ça va mal, mais c'est l'absence de ces choses-là qu'on a dit que ça va bien. Oui. La santé n'est pas là. La mort, la perte de l'emploi, le gouvernement. Si on aurait vu les gens qui faisaient des protestations cette semaine, on aurait dit « ça va-tu bien chez vous? » Ils auraient dit « oh non, ça va pas bien. Ça va mal. » C'est pour ça que notre vie, elle a des hauts et des bas. Ça vient et ça va. Puis souvent, quand à cause de cela, je vais vous donner l'exemple d'une femme, la femme de Yves Descaries, je vais la nommer parce que c'est passé sur Internet, dans le sens que tous les chrétiens le savaient, ceux qui étaient à plein Internet, c'était pas un secret. La femme d'Yves Descaries, elle est diabétique, elle est pas mal fort. Et l'année passée, ou il y a 2 ans, elle a eu une période de 1 an très difficile physiquement. Elle a fait 2-3 infarctus. Elle a été opérée à 2-3 reprises. Elle a fait des pneumonies à répétition. Elle a eu une année épouvantable. Et si vous l'avez lu aujourd'hui, elle a un trou c'est avec une machine chouette dans le fond pour parler. Puis quand elle parle, ça sonne la canne de conserve. Et non, non, non, non, non. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a dit à son mari, « Où est-ce qu'il est Dieu donc? Où est-ce qu'il est Dieu donc? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne toujours sur moi? » Vous savez, je dis tout le temps, chacun de nous, on a notre limite à la souffrance. Dépendamment de la maturité qu'on est rendu, dépendamment des capacités qu'on a, on est limité dans notre capacité de supporter la souffrance. Oh, je peux avoir mal à mon doigt, puis je ne questionne pas Dieu. Pas grave, c'est juste un petit doigt. Il faut me demander 9 autres qui fonctionnent bien. Mais rendu à 2-3 infractus, puis l'opérer pour les poumons, pour la maladie, puis que je n'étais plus capable de parler, puis que tu es couché là, puis tu es affecté pour le restant de ta vie. 1 an couché sur les lits d'hôpital avec des plaies de lit. Tout d'un coup, tu te demandes des questions, tu te poses des questions. Tu t'interroges. Et quand on lit la Bible, Job est un croyant. Hein? La Bible a dit quoi? C'était le plus grand des croyants dans ce temps-là. C'est mon meilleur, disait Dieu. C'est mon plus grand. Regarde, il est intègre et juste. Et sa femme, je comprends que sa femme, elle devait être aussi une croyante. Elle devait être une femme qui croyait en Dieu, comme son mari. Ça lui a pris moins de temps que son mari de s'emporter. Après qu'elle ait tout perdu, tout leur bien, ça faisait partie de la richesse tout à l'heure qu'on a parlé. Ça va bien, de l'argent en masse. Tout d'un coup, il a passé après 16 enfants qui sont morts. 7, d'un coup sec, paf, la même journée. Moi, j'ai trouvé ça dur. 7. La même journée que tu perds tout ton argent. La même journée. Et pas sur une période de 2 ans. Qu'est-ce que vous feriez, mes frères et sœurs? Comment vous sentiriez le soir si ça arrivait dans votre vie aujourd'hui? Vous perdez tout ce que vous avez. Vous perdez tous vos enfants en même temps. Qu'est-ce que vous faites? Crachez pas trop haut. Mon père dit d'habitude, ça nous retombe sur la tête. Pas facile. Pas facile. Et la femme de Job a dit, un peu plus loin, maudit Dieu et meurt, qu'on en finisse. Job a été un peu plus long, lui. Dieu est bon, il dit, Dieu est bon. Dieu m'a donné, Dieu a repris. Dieu soit la joie de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. Après une secousse, mais pourquoi tu fais ça donc? Et là, si je passerais en justice avec toi, je gagnerais. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Puis pourquoi? Puis pourquoi? Puis pourquoi? Il ne questionnait pas Dieu. Il ne questionnait pas dans le sens si Dieu existait. Ben non. Il se posait des questions pourquoi ça y arrivait à lui, toutes ces choses-là. Parce que lui, après, il avait perdu la santé aussi. Assis sur un tas de sang, la Bible nous dit, avec un morceau de vitre dans les mains, puis il se grattait tellement ça le démanchait, de la tête aux pieds. Comment tu te sentirais, mon frère, ce matin, comme cela? Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu que je ne suis pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, je bénis. On dit tout le temps, la grâce vient quand l'épreuve vient. On dit que la puissance, on n'a pas besoin quand on n'est pas à s'en servir. Souvent, quand on pense que tout concourt à notre bien, on veut dire tout concourt à notre bien-être. C'est ce qu'on pense. C'est ce qui est prêché dans bien les églises à travers le monde entier. Si tu es un croyant, Dieu va t'aider, ça va bien aller dans ta vie. Aux États-Unis, surtout, on prêche « healthy and wealthy ». Si tu es un bon croyant et si tu marches par la foi et si tu es sain dans ta conduite, tu vas être riche et tu vas être en santé. Dieu va te bénir. J'écoutais un homme cette semaine qui enseignait sur une émission de télévision en anglais et je pensais, c'est ce bonhomme-là, j'écoutais, puis je dis, oh, ça parle de Dieu, c'est quoi? Ouais, quand ça parle de Dieu, j'écoute, un petit bout. Puis là, il encourageait les gens à s'occuper des autres en premier. Mais le fond de l'histoire, c'est que si vous le faites, Dieu va vous bénir. Vous allez tout recevoir au centuple ce que vous avez donné. Donne 10 piastres, Dieu va t'en donner 1000. Tu vas voir. Mais n'aie pas peur, marche avec la foi. Donne-en, puis il va t'en redonner. Tout concourt à notre bien, dit le verset. Tout concourt à notre bien. Mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Et ce qu'on va voir ce matin, loin de lui la pensée de notre bien-être terrestre. Bien loin de ce verset-là. Bien loin. Aussi loin que la terre est loin des étoiles. Ce n'était pas dans la pensée de Paul quand il écrit ça, et donc pas dans la pensée de Dieu, parce que c'est Dieu qui a poussé Paul à l'écrire. Ce n'était pas dans sa pensée. Ça ne veut pas dire qu'il donnera pas du bien-être à ses enfants, mais ce n'était pas ça qu'il parlait ici. C'est pas ça qu'il parlait ici. Parce que vous êtes assez intelligent pour savoir qu'à travers l'histoire de l'Église, il n'y en a pas un qui a eu le même bien-être matériel. Il y a des chrétiens qui sont morts dans la misère, malades, dans des pays communistes, mangés par les rats. C'est des enfants de Dieu, pareil comme vous et moi. Puis il y en a donc qui sont chrétiens qui sont morts d'un million. Couchés dans des boulettes des draps de satin. Puis t'as pas pire chrétien que les autres. Donc c'est pas ça qu'il parlait ici. Parce que sans ça, la parole de Dieu, c'est pas vrai. Parce qu'ici, ça s'adresse à tous les enfants de Dieu. Ça ne passe pas juste à une partie de l'histoire ou juste à un pays. Ça s'adresse à tout le monde. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De quoi il parle? On va commencer par le mot « tout ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre un mot par la fois pour regarder ce que le mot veut dire tranquillement. Un qu'un mot à la fois. On n'ira pas loin. Vous imaginez, avec la grande gueule que j'ai, vous n'irez pas loin. On n'ira pas loin. Un mot à la fois, mes frères et sœurs. Un mot à la fois. Il y en a qui me disent que je parle trop. Ben, supportez-moi pas encore 20 minutes. Tout. Tout, ça veut dire... Non, tout veut dire... Tout veut dire tout. Tout veut dire tout. C'est pas juste les belles choses, c'est pas juste les bonnes choses, c'est pas juste les belles journées, c'est tout concourt, tout. Et le mot ici, là, je vais vous lire des choses, c'est chacun, chaque, n'importe quel, l'entier, tout le monde, toute chose, chaque chose, de tout type, de toutes sortes de façons, tout. Tout ce qui vous arrive dans votre vie, tout ce qui passe dans votre vie, tout ce que vous contrôlez et que vous ne contrôlez pas concourt à votre bien maintenant que vous êtes parmi ceux qui aiment Dieu. Tout. Le mot aussi concourt, hein, c'est un mot pharmaceutique. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit à quelques-uns d'entre vous. C'est un mot qui est employé en pharmacie. Et vous savez, en pharmacie, on fait des remèdes souvent avec des poisons. On prend les poisons, on les met ensemble, ça devient un remède. Si tu prenais individuellement chaque morceau, tu mourrais. Mais en les mettant ensemble, le pharmacien, qui dose tout bien comme il faut ses affaires, il fait un remède avec ça. Et c'est ce qu'un mot veut dire ici. Tout ce qui est bien et mal, tout ce qui est noir et blanc, Dieu va s'en servir dans ta vie pour faire concourir ça à ton bien. Mais si on les séparait, tu pouvais en mourir. Mais Dieu s'occupe, lui, de prendre tout ce qui t'entoure, dans l'entour de toi. Ta femme, ton mari, tes enfants, ton boss, ton gouvernement, tout ce qui arrive dans ta vie, tous les moments où tu obéis, et je pourrais vous dire même, tous les péchés que vous faites, il va les utiliser. Il ne veut pas que vous les fassiez, mais il va les utiliser pour votre bien. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a soulagé de comprendre ça. Des années de ma vie, après une certaine période de temps, en vie chrétienne, j'ai arrêté et j'ai réalisé des choses. J'ai dit, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? » Et j'ai vu les conséquences de ce que j'avais fait sur mes propres enfants. Et dans ce verset-là, Dieu dit, François, je vais me servir de ça pareil pour ton bien. Même tout le mal que tu as fait, je vais m'en servir pour ton bien. Puis je vais m'en servir dans la vie de tes enfants qui sont des chrétiens, pour leur faire du bien aussi. Dieu dit, j'ai la capacité de prendre ce que tu as fait et de faire du bien avec. Je suis fort, hein? J'ai la capacité de prendre le mal et de faire du bien avec. Mais ça, il y a juste Dieu qui peut faire ça. Nous, on prend du bien et on fait quoi avec? Du mal. Ça, c'est notre capacité. Alors, nous, on est bien fort pour ça. On est champion. On est bien champion avec ça. Mais lui, il est tellement fort qu'il peut prendre le mal et faire du bien avec. Il a même utilisé Satan dans toute sa force pour prendre Job ici. Il voulait emmener Job au point B. Et qui a utilisé pour le faire? Satan! Vous, il utilise même le roi du mal pour faire du bien à son enfant. Il utilise tout. Dans le tout ici, c'est tout le monde visible et invisible. Il utilise tout pour emmener ceux qui aiment où est-ce qu'ils veulent. Donc, quand vous faites des erreurs, je ne vous encourage pas en enfer, loin de là. Mais on peut, après avoir reconnu le mal qu'on a fait, demander pardon au Seigneur. Dire, Seigneur, je sais que dans ta bonté, dans ton amour, dans ta grâce, tu vas utiliser ça même pour mon bien. Parce que des fois, le chrétien, des fois, c'est vous qu'est-ce qu'il fait? Quand il ne comprend pas ce verset, c'est vous ce qu'il fait? Il a tendance à lever le tapis et envoyer ses affaires en dessous du plancher. Il envoie ses péchés en dessous du plancher, en dessous du tapis, puis il ne regarde pas parce que c'est trop laid, ça, cette affaire-là. Il ne veut pas les avouer, il ne veut pas les regarder, il ne veut pas en parler. C'est trop laid, mais ça, en dessous du plancher. Mais quand on comprend ce verset-là, on n'a pas peur de parler ce qui nous arrive. On n'a pas peur de parler de nos péchés. On n'a pas peur de dire, de confesser devant le Seigneur et d'en parler avec les autres. « Hey, c'est mal ce que je fais là. Et je l'ai confessé, je l'ai reconnu, mais Dieu va utiliser ça dans ma vie. Il m'a fait grandir. » Le mal que vous faites, le tout, le comprend le mal que vous faites, il va utiliser ça dans la vie de votre femme pour la faire grandir, et vice-versa. Même avec vos enfants qui font le mal, il va l'utiliser dans votre vie pour vous faire du bien. C'est fort, hein? Ce matin, il m'est arrivé toutes sortes de péripéties, ce matin, et en tout cas, je ne vous conterai pas tout ça, mais j'ai dû aller sur le voisin en face, dans le fond de la cave, chercher les clés dans le sac à dos de ma fille qui était couchée avec le voisin. C'est pas mal, ici, ça. T'es un enfant de Dieu, pas mal. Tu sais que c'est pas la bonne chose. Tu sais que c'est pas correct. J'ai pris mes clés en remontant chez nous, parce que ça monte tout le temps. Dieu dit, je vais même faire concourir ça à ton bien, mon François. Même ça. Je vais m'en servir pour te faire du bien. Je me suis amené à l'église en chantant. Mais si tu n'avais pas ça, cette conviction-là, là, hein? La vie serait pas mal noire. Pas mal noire. Tout concourt. Tout est arrangé. Tout est assemblé par Dieu. Dieu prend, c'est comme vos journées de votre vie sont de millions de morceaux de casse-tête. Et Dieu prend tous ces morceaux-là et va les faire concourir à votre bien. Il va toutes les placer, les agencer pour vous emmener là où ce que lui veut vous emmener. Pas où ce que vous voulez aller, mais où ce que lui veut vous emmener. Puis Dieu soit loué que c'est lui qui nous conduit. Tout concourt à votre bien. Là, là le mot bien, là. Hein? Tout concourt à votre bien. Bien. Ici, le mot bien, on pourrait le remplacer par le mot destin. Tout concourt à ce qui est devant vous. Tout concourt à ce qui va, à la destinée que vous avez. Tout concourt à ce que Dieu a planifié dans votre vie va s'accomplir à 100%. Ce que Dieu a commencé en nous, il va le terminer parfaitement. Mon petit gars, mon petit fils était chez nous cette semaine, il m'a laissé un dessin, mais il n'était pas fini de colorier. Mais quand Dieu va remettre sa feuille, le dessin va être fini de colorier, je vous garantis. Dieu, quand il va nous présenter au Père, son épouse, elle va être parfaite, sans aucune tache. Parfaite. Tous ceux qui sont des enfants de Dieu ce matin, ça va être tout le monde pareil, sans exception. Parfait. Tout concourt au bien, mais pas de tout le monde. Il y a une exception ici, hein? De tous ceux qui aiment le Seigneur. Pour les autres, c'est quoi? Tout concourt à leur malheur, à leur destruction, à leur condamnation. Tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui n'aime pas Dieu va le détruire. Tout ce qui arrive, il va le voir plutôt comme quelque chose qui amène du bien dans sa vie, c'est comme chose qui amène du mal dans sa vie. Avant d'être chrétien, moi, je disais, la société dans laquelle nous vivons, c'est un bordel. Il me semblait que tout tournait mal dans ce monde fichu dans lequel je vivais. Puis, si vous écoutez les nouvelles, ça ne va pas très bien. Bon, ça ne s'est pas amélioré depuis 40 ans. Mais ceux qui aiment Dieu, c'est qui ceux-là, ça? C'est qui aime Dieu? Ceux qui aiment Dieu. J'ai trouvé ça drôle qu'il n'emploie pas tous ceux qui croient en Dieu. Il a pris le mot « tous ceux qui aiment Dieu ». Voyez-vous une différence, vous autres? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a utilisé le mot « tous ceux qui aiment Dieu »? Retiens ça. Hein? OK. Donc, si on croit, on aime. Mais pour aimer, il faut croire avant. C'est ça que tu dis, toi? OK. D'autres façons de voir? Satan, il croit en Jésus, mais il n'a pas. OK. Donc, la Bible dit que le diable croit à l'existence de Dieu, mais il tremble. Il ne l'aime pas, lui. Hein? Oui. Je crois que si on avait le temps ce matin de regarder celui qui m'aime, hein? Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Dans 14, on va voir ça dans Jean 14, puisque c'est le mercredi soir. Oups, là on dit, oups, celui qui garde ses commandements. Hein? Là tu mets les 10, tu penses que tu mets les 10, là, 1 à 10, là, hein? Tu connais tous les 10 commandements par cœur. Alors ça serait beau maintenant d'essayer de les dire, les 10. Hein? Et ceux qui m'aiment, ceux qui gardent mes commandements, c'est ça que ça veut dire? Oups, là, on a des problèmes. Là, on dit, ouais, je l'aime pas beaucoup. Parce que je ne les fais pas toutes. Hein? Puis celui que je fais une journée, je ne le fais pas le lendemain. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous, quand on lit commandements, savez-vous comment est-ce qu'on pense? On pense comme des anciens catholiques. Quand on dit, celui qui m'aime, celui qui observe mes commandements, on pense tout de suite, 10 commandements de Dieu. Mais c'est pas ça que Jésus parlait. C'est pas ça qu'il parlait. Il parlait juste de ce qu'il venait de dire. Ceux qui font le cours de Saint-Bec, dans le contexte, ils ne parlaient pas des 10 commandements de Dieu. Dans le contexte, ils parlaient de ce que lui venait de dire, lui. Il parlait de ce que ses commandements qu'il devait de donner, lui. C'est un petit peu différent des 10 commandements. Selon ma compréhension, ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont aimé le Fils. Et ceux qui ont aimé le Fils, c'est ceux qui ont cru au Fils. C'est la même affaire. Ceux qui aiment Dieu croient au Fils. Et ceux qui croient au Fils aime Dieu. Ça veut dire la même chose. Tu ne peux pas aimer Dieu sans croire au Fils. Et tu ne peux pas croire au Fils sans aimer Dieu qui l'a envoyé. Donc, un ou l'autre, c'est des synonymes dans la parole de Dieu, je crois. Donc, et tous ceux qui croient au Fils, dans le bon sens du mot, pas tous ceux qui croient à son existence, ceux qui croient en lui comme envoyé sur la terre, Dieu lui-même qui est venu se sacrifier pour nous sauver. Hein? C'est ce que ça veut dire, là. Pas juste croire à l'existence, parce que la moitié de la population du globe croit à l'existence de Jésus. Mais ils ne le croient pas comme étant le sauveur du monde. Mais différent. Puis il y a une gang qui croit comme le sauveur du monde, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu fait chair. Non, on peut pas, ça ne marche pas non plus. Donc, il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu, il va nous donner dans les moments qui suivent, Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un dessein. Dieu a fait un plan de votre vie. Dieu a quelque chose dans votre vie qui a planifié, qui a organisé, qui a structuré avant que vous veniez au monde. Avant que la terre et le monde soient bâtis, créés, Dieu a dit, j'ai fait le plan de ta vie. Il l'a écrit. Il a fait le plan de ta vie. On ne s'en va pas à l'aveuglette avec Dieu. Personnellement, je n'aime pas ça m'en aller à l'aveuglette non plus. Mais lui, il dit, tu n'en vas pas à l'aveuglette. Moi, j'ai fait un plan pour ta vie. Il dit, tout concourt à accomplir le plan que j'ai pour ta vie. Sans toi, je ne peux rien faire. Donc, j'ai sauté dans son bateau, j'ai dit, ah, vas-y. Une fois, ma fille était partie de la maison, la plus vieille, elle avait pris un petit appartement et à Val-d'Or. Puis là, tout d'un coup, pour des raisons que j'étais trop long d'énumérer, elle voulait s'en revenir à la maison. Fait qu'on s'est rencontrés au Tim Hortons, on a pris un café. Elle n'en buvait pas, elle a pris une tisane. J'ai dit, ma fille, j'ai dit, je suis bien d'accord à ce que tu reviennes à la maison. Mais si tu veux embarquer dans mon bateau, je vais te dire où mon bateau s'en va. Parce que je ne voudrais pas t'embarquer sur mon bateau et que tu t'en ailles pas à même place que moi. Ça serait triste pour toi, ça serait triste pour moi. Enfin, j'ai dit, puis là, je te demanderais si tu reviens à la maison, bien, que tu comprennes bien ce que je m'en vais. Qu'est-ce que je veux atteindre dans la vie? Parce que j'ai un plan pour ma vie. Avec Dieu, j'ai un plan pour ma vie. Et j'ai dit, et en plus de ça, je vais aller un peu plus loin. Si tu embarques dans mon bateau, tu vas m'aider à aller où ce que je veux. Ben, je pense que je vais regarder mon appartement. Ben, j'ai dit, bien content pour toi. Et Dieu dit, quand moi j'ai embarqué dans le bateau de Dieu, Dieu m'avait dit avant, j'ai un plan pour toi. Je suis le maître à bord, je suis le Seigneur, je suis le roi. Et si tu embarques dans mon bateau, voici ce que je m'en vais. Es-tu d'accord avec mon plan? C'est pour ça qu'il y en a qui débarquent du bateau tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas compris le plan. Là, ils disent, oh, tu ne vas pas dans la même direction que nous autres, on te débarque. Parce qu'ils n'avaient jamais compris dans quoi ils avaient embarqué. Dieu dit, j'ai un plan pour ta vie, François. Au verset 28, il dit, il nous a appelés. Première chose qu'il dit, il dit, il nous a appelés. Ceux qu'il a appelés selon son dessein. Ceux qu'il a appelés. Ça veut dire, le mot là, c'est un mot qui veut dire choisi, divinement sélectionné. Il dit, je vous ai choisi avant la fondation du monde. J'ai fait un choix bien arrêté sur ta personne. Je t'ai choisi, je t'ai appelé. Le mot, c'est un mot, je t'ai invité à un banquet. Tu as reçu une invitation personnelle pour venir avec moi. Je t'ai choisi. Avant la fondation du monde, j'ai décidé, j'ai écrit ton nom. Et j'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan pour toi. Et ça s'est fait avant que vous naissiez. Dieu a fait un choix. C'est pas l'appel, c'est, on va voir plus loin l'appel par l'évangélisation, c'est pas ça qu'il parle ici. Il parle de l'appel, du fait que lui a fait un choix dans son omniscience de voir l'humanité devant lui. Il a fait un choix parmi ceux qui naîtraient. Il a fait un choix. Et là, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Hein? Pourquoi que pas choisi tout le monde? Pourquoi que choisi moi ou pas celui à côté de moi? Pas de réponse ici. Mais il dit ici que lui, ceux qui l'aiment, c'est ceux qui ont choisi. Si vous l'aimez, c'est parce qu'il vous a choisi. Il ne vous a pas choisi parce que vous l'aimez. Vous l'aimez parce qu'il vous a choisi. Mettez pas ça en envers, là. C'est très dramatique si on met ça en envers. Vous l'aimez parce qu'il vous avait choisi de toute éternité. Il dit, ça c'est mon premier pas. Je t'ai choisi avant que tu naisses au monde et j'avais un dessein pour toi. Comme il avait choisi Judas, comme il avait choisi David, comme il avait choisi Cyrus, comme il avait choisi Nebuchadnezzar, comme il avait choisi Pharaon, il a fait des choix. En tant que souverain, en tant que roi et seigneur et créateur de la terre, il a fait des choix. Bien précis. Et deuxièmement, il dit, je t'ai connu d'avance au verset 29. Ceux que j'ai appelés, je les ai connus d'avance. Et le mot veut dire, là, connaître dans le sens de, je t'ai connu avant que tu viennes au monde. Je t'ai connu avant que tu fasses quoi que ce soit. Avant que tu fasses aucune action, je t'ai connu. Il va dire ça tout à l'heure de Isaïe et de Jacob dans le chapitre 9. J'ai haï Isaïe et j'ai aimé Jacob avant qu'ils naissent. Je les ai connus. Le mot, c'est le mot pré. Prédestin. Prédestiné, prédestin. J'ai organisé ta vie. Je t'ai choisi et j'ai t'ai connu d'avance. J'ai organisé d'avance ta vie. Ensuite, il dit au verset 29, je t'ai prédestiné. Ça veut dire que j'ai mis devant toi quelque chose pour la, jusqu'à la fin de l'éternité. Donc, votre chemin est déjà tracé. Le plan de Dieu est déjà fait. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas le changer. C'est bien mieux comme ça. Tout ce que vous feriez à faire, c'est de briser. Vous êtes bien mieux de ne pas le changer. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'était parfait. Parfait. Et je t'ai prédestiné. Donc, il dit, je t'ai appelé, ou je t'ai choisi, je t'ai connu, je t'ai prédestiné. Ensuite, il dit quoi? Là, je dis, je t'ai appelé. J'ai envoyé quelqu'un de ta vie qui t'a appelé en mon nom. Et qui t'a répondu? Oui. Pourquoi tu as répondu oui quand quelqu'un t'a appelé de l'Évangile? Toi, tu peux en avoir appelé des milliers aux côtés qui n'ont pas répondu. Mais quelqu'un t'a appelé, toi, et tu as répondu. Pourquoi tu as répondu? Parce qu'il m'avait choisi. Parce qu'il t'avait choisi, parce qu'il t'avait connu, parce qu'il t'avait prédestiné. C'est pour ça que tu as dit oui. Ce n'est pas à cause que tu as dit oui qu'il a fait les autres affaires, mais c'est à cause que tu as fait les autres affaires que tu as dit oui, finalement. Je t'ai appelé et tu as dit oui. Et je t'ai aussi, ensuite ça, justifié. Ça, c'est la cinquième étape. Je t'ai justifié. Tu as dit oui et je t'ai déclaré juste. Et tu vas rester juste pour l'éternité. Et un chrétien, ça n'existe pas un chrétien injuste. Ça n'existe pas un chrétien infidèle. Faites attention quand vous dites, quand je suis infidèle, toi tu restes fidèle. Ça n'existe pas dans la Bible, un chrétien infidèle. Ça n'existe pas. Parce que le mot infidèle veut dire non-croyant. Infidei, que veut dire en latin, quelqu'un qui ne croit pas. Un chrétien est appelé dans la Bible fidèle. Il n'est pas appelé infidèle. Il est appelé, et les fidèles de l'Église de, ne sont jamais appelés infidèles. Je suis certain que vous pensez à un verset, là, on en reparlera une autre journée, celle-là. Nous avons été justifiés pour l'éternité. Et enfin, il nous dit quoi? Je vais maintenant te glorifier. Ce qui veut dire, je vais t'emmener au ciel avec moi un jour, mais tu meurs. Ou par la résurrection, ou à la fin des temps, je vais t'emmener avec moi, je vais te glorifier, et tu vas être assis à ma droite ou à ma gauche, peu importe la chaise qui est réservée, et tu vas être avec moi dans le ciel, avec moi dans ma gloire. J'ai un dessin, six étapes, hein? Six étapes. Et les six étapes, quand il y en a une qui est commencée, les cinq autres suivent. Tout le temps, sans exception aucune. Sans jamais aucune exception. Ce qui a commencé, il va le terminer. Dieu est formel là-dessus. Et notre destin, qu'est-ce qu'il dit au verset? C'est de devenir semblable à Jésus. C'est vous, votre bien-être, alors tout concourt au bien, c'est le mot, c'est tout concourt au fait que vous allez devenir comme Jésus un jour. Dieu a dit, je prends François, et mon but avec lui, c'est qu'un jour, il soit semblable à Jésus-Christ. Et tout concourt dans ma vie, toutes les circonstances, tous les gens que je côtoie, tout ce que je fais de bien ou de mal, Dieu va l'utiliser pour qu'un jour, je sois comme Jésus. Fantastique. Fantastique. Il n'y a personne d'autre qui peut dire ça. Tous les autres vont dire, on va essayer. Dieu lui a fait une déclaration formelle. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc ce matin, peu importe où est-ce que vous êtes dans votre vie chrétienne, peu importe ce que vous êtes rendu, si vous êtes un de ceux qui aimaient Dieu, qui avaient cru en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, tout concourt à votre bien. Mais le bien, c'est de devenir comme Jésus. Et ça, ça peut être passé par toutes sortes d'événements sur la terre qui peuvent être positifs ou négatifs à nos yeux. Mais c'est toujours positif pour Dieu. Pour le chrétien, tout est positif. Une fois, je parlais avec des gens qui croient à la pensée positive. François, me demande, François, tu crois tout ça à la pensée positive? Je dis certainement. Certainement que je crois à ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ben, je ne peux pas faire autrement, je suis un chrétien. La pensée positive, je l'ai. Je suis positif à la planche. Tout concourt à mon bien, mon ami. Tout concourt. N'importe quoi qui arrive, ça va faire mon bien en vie. Ah ouais, de quoi tu parles là? Ben, on va pas. Tout concourt à mon bien. Oui ou non? Lui, il n'est même pas capable de dire ça, même s'il a pensé positif. Il n'est même pas capable. Il faut qu'il pense positif pour que ça devienne positif. Moi, je n'ai même pas besoin de penser positif. À cause que j'ai cru, c'est positif pour moi. Que le Seigneur puisse nous aider ce matin à se réjouir là-dessus. Si ça vous passait par des temps noirs, des fois, des temps difficiles, des doutes, écrivez ça sur le mur devant vous autres, ce verset-là, ces deux versets-là. Écrivez sur le mur et réalisez-le. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Tout ce qui m'arrive, de ce que moi j'appelle positif ou négatif, va finir par m'emmener à être comme Jésus-Christ. Sans exception à la règle. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te bénissons pour ces quelques versets. Nous te glorifions. Si on pouvait dire, nous t'aimons davantage, on le dit. Ô Seigneur, que c'est encourageant. Que c'est rassurant. Que c'est calmant. Le plan de notre vie en tant que tes enfants, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Et ce plan-là s'exécute par ta main et non pas la nôtre. Nous t'en glorifions pour cela. Au nom de Jésus, amen.